Chapitre 45e. L'extérieur de la maison numéro 25, Milton Street, différait singulièrement de celui des habitations qui l'entouraient. Elle se composait d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec des ailes d'un effet très pittoresque. Une jeune personne vint ouvrir à Elizabeth. De longues aiguilles de fil et des épingles de toute grosseur, piquées sur le corsage de sa robe, indiquèrent tout de suite à Elizabeth à qui elle avait affaire, c'est-à-dire à celle de ses sœurs qui étaient couturières. « Madame Hardman est-elle chez elle ? » demanda-t-elle. « Oui, ma tante est en haut. »« Je ne crois pas me tromper en supposant que vous êtes Jessie, en personne. »« Eh bien, vous ne devinez pas de votre côté qui je suis. »« Non, votre sœur Elizabeth. »« Ah, je savais bien que vous finiriez par venir nous voir. »« Quelle joie, quel bonheur, que ma tante va être surprise. » Après une chaleureuse accolade, Jessie entraîna sa sœur dans le corridor et la fit monter 4 à 4 l'escalier. « Tante, » dit Jessie en se précipitant la première dans la pièce où se tenait Madame Hardman, « dites-moi vite, vite, le nom de la personne que je vous amène. » La tante, après avoir nommé toutes leurs connaissances, finit par jeter sa langue au chien. « Eh bien, c'est Lizzie, » s'écria-t-elle en poussant sa sœur en avant. « Mieux vaut tard que jamais, » dit Madame Hardman en serrant tendrement sa nièce sur son cœur. « Il me tarde aussi de voir ma sœur Marie. N'est-elle pas chez vous en ce moment ?» demanda Elizabeth. « Si fait, mais elle rentre sur le tard. Ah, c'est qu'il faut vous dire, mon enfant, que nous avons un amoureux, un fiancé, un savant, s'il vous plaît. Il est correcteur du Blackford Chronicle et gagne près de 50 francs par semaine. C'est un joli parti, allez. Et William est-il également sorti ? Il est allé entendre une pièce nouvelle. Nous avons tous la passion du spectacle ici. Et vous ? Je n'ai de ma vie mis les pieds dans une salle de théâtre. Allons donc, nous vous y mènerons, soyez tranquille. Ce soir, il faudra vous contenter du thé de la famille, mais demain nous aviserons. Comment êtes-vous ici ? À quel heureux hasard devons-nous votre bonne visite ? J'ai quitté Tingley pour toujours. Je viens gagner ici mon pain, à la sueur de mon front. Vous auriez réellement abandonné tous les avantages de la fortune dont vous jouissiez dans le présent et qui vous était promis dans l'avenir ? L'argent n'est pas tout dans le monde. C'est beaucoup, allez. » Lizzie raconta sommairement son histoire, avouant sans détour à sa tante les humiliations qu'elle avait subies de la part des deux nièces de Miss Blake. Son récit achevé, elle fondit en larmes, laissant tomber sa tête sur l'épaule de sa sœur Jessie, agenouillée près d'elle. « Je vous serai bien reconnaissante, » ajouta-t-elle, « de vouloir bien me garder sous votre toit jusqu'à ce que je trouve une situation, un gagne-pain. Vous n'y serez jamais trop longtemps, mon enfant. » repartit Madame Hardman, « je mettrai ma main au feu, qu'il y a là-dessous quelques querelles d'amoureux. »« Oh oui, assurément, » ajouta-t-elle, « car on ne pique pas un pareil coup de soleil pour des prunes. » La trivialité de Madame Hardman n'était pas faite pour rendre moins pénible à Elizabeth son nouveau genre de vie. Jessie conduisit sa sœur dans la chambre qui lui était destinée. Mais la pauvre déserteuse ne put y clore l'œil de la nuit. Son lit était si étroit, si dur. Sa pensée ne cessa d'errer du numéro 25 de Milton Street à Tingley Manor. Le lendemain matin, le temps s'était remis au beau et le soleil brillait. Jessie vint chercher sa sœur pour aller faire une promenade avec elle, mais Elizabeth la refusa sous prétexte de lettres à écrire. Elle méditait tristement sur la fragilité des affections humaines lorsqu'une voiture s'arrêta à la porte. Une femme en descendit. Ses pas retentirent dans l'escalier. Enfin elle parut. C'était Tante Dora. « Je viens vous chercher, mon enfant, » dit-elle en embrassant tendrement Elizabeth. « Vite, vite, mettez votre chapeau et qu'il ne soit plus question de cette résolution intempestive. Je ne saurais vous obéir, ma chère tante. Je n'ai pas agi à l'étourdie en vous quittant comme je l'ai fait. Le séjour de Tingley m'est dorénavant impossible. Ah, que je vous suis reconnaissant d'être venu. J'ai tant de choses à vous dire que je ne pouvais me décider à écrire. Je ne veux rien savoir. J'ai un cab à la porte. Venez. Je dois vous refuser. » « Mon parti est irrévocable. Mettez-vous au-dessus des petites misères que mes méchantes nièces ont pu vous faire. Vous regretteriez, j'en suis sûr, ma chère enfant, votre décision. Je vous connais mieux que vous-même. Les vils calculs dont elles m'ont accusé sont de ces outrages qu'on ne saurait pardonner quand on se respecte. Vous auriez dû simplement les mettre à leur place et les payer en même monnaie. Qui sait ce que cela aurait produit ? La calomnie est un poison si subtil. Morton lui-même finirait peut-être par en ressentir les pernicieuses influences. Morton, y pensez-vous ? Je suis déterminé à ne jamais retourner sous son toit tant qu'il sera garçon. » Eh bien, qu'allez-vous faire en attendant qu'il ait femme et enfants ? J'entrerai d'abord dans un hôpital pour apprendre à soigner les malades, puis j'espère pouvoir devenir membre d'une société de bienfaisance organisée pour mettre des gardes malades à la disposition des pauvres. Une pareille œuvre de dévouement est au-dessus de vos forces physiques, ma chère enfant. Si vous voulez bien consentir à venir vivre avec moi, j'abandonnerai immédiatement Tingley Manor si le séjour vous en déplaît tant. Cette proposition ajoute encore à la reconnaissance que je vous dois, mais je ne saurais me rendre à vos prières. Rien ne put avoir raison de la détermination prise par Elizabeth. Miss Blake revint seule à Tingley. Dès qu'elle put se ménager un moment de tête-à-tête avec Morton, elle lui raconta tout ce qui s'était passé et l'insuccès de sa démarche.